franceinter.fr. C'est votre rendez-vous maintenant, à votre écoute. Merci. Salut Coleman. À votre écoute. Coûte que coûte. À votre écoute, coûte que coûte. Anima Sana. In corpore sano. Un esprit sain dans un corps sain. L'esprit, c'est elle. Le corps, c'est lui. Docteur Philippe. Et Margaret de Beaulieu. À Bar-le-Duc, nous avons une certaine Eva qui piaffe d'impatience de nous parler. Alors, Bar-le-Duc, qu'est-ce que... Le XVIIe siècle est une période tragique pour la cité. Oh zut ! Oui, touchée par la famine et la guerre de 30 ans, elle subit surtout les conséquences désastreuses de la politique anti-française du duc Charles IV. Comment ça, anti-française ? On n'est pas chez nous à Bar-le-Duc. Et non, Margaret, à l'époque, on n'est pas chez nous en Lorraine. Tout comme aujourd'hui, nous ne sommes plus chez nous en Algérie. Par contre, heureusement, nous avons su reprendre la Lorraine. Eh ben, tant mieux, parce que j'en connais un qui adore la quiche. Ah oui, ça c'est vrai, c'est mon péché mignon. Surtout le dimanche, on arrive tard de l'office, alors un, hop, quiche salade. Un jour dans la semaine, ça va. Bon. Oui, c'est vrai. Bonjour Eva, Eva comment ? Eva bien ? Bonjour docteur, bonjour Margaret. Philippe, bonjour, bonjour Eva. Du coup, grande communauté algérienne à Bar-le-Duc. Non. Tiens. Eva, pas si bien que ça. Sinon, Eva appellerait pas, non ? Pardon ? Oui, vous appelez pourquoi ? Eh bien, je me suis fait poser une prothèse PIP il y a 8 ans et je me demande si je dois la garder ou pas. La prothèse est défectueuse ? Oui, les autorités sanitaires conseillent de la retirer. Vous êtes au courant, j'imagine. Ben oui. Je suis médecin, madame. Alors, cette prothèse-là qui ne marche pas bien, elle vous empêche de marcher, vous, du coup ? Non, on n'est quand même pas là, non. Non, j'ai aucune douleur, c'est par principe de précaution. Oui, sauf que si vous la retirez, vous boiterez. Enfin, même pas, non, parce que si on vous enlève la hanche, vous ne pourrez plus marcher du tout. Et pourquoi la hanche ? La prothèse, là. Non, mais les prothèses PIP sont des prothèses mammaires. Oui. Je sais ça, madame, mais je dis juste que les prothèses de hanche ne peuvent pas être retirées, sinon on ne peut plus marcher. Voilà. Alors quand on est équipé d'une prothèse de hanche, hein, bien sûr. Alors vous, donc, alors ce n'est pas le cas puisqu'il s'agit évidemment d'une prothèse mammaire de type PIP qui ne peuvent pas vous empêcher de marcher puisqu'elles sont au niveau des TT. De type PIP. Alors, la prothèse fuit, et donc j'ai peur. Il paraît que ça peut être cancérigène, et j'ai déjà eu un cancer du sein. Pourquoi ? Pour rien, malheureusement, on n'y peut rien, c'est comme ça. Alors, je citerai, sans flagornerie aucune, un extrait de mon livre « Encore en corps, des mots qui soignent » aux éditions Amis d'en France. « Le corps a ses raisons que la raison ignore ». En tout cas... Ça m'est tombé dessus sans prévenir. Et j'en profite pour rappeler les principes de base. On ne prête pas sa brosse à dents. Chacun sa serviette. Et quand on n'est pas à la maison, on ne s'assoit pas sur les wawa. Même si, dans votre cas, le stade de la contagion est largement dépassé. Mais vous dites n'importe quoi. Oui, mais je vous rappelle que je suis médecin. Pardon Eva, si je comprends bien, vous avez subi une ablation du sein malade. Et plutôt que de conserver les stigmates de cette épreuve qui vous a été envoyée pour une raison ou pour une autre... Ah non, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une quelconque raison... Ouais, mais enfin, vous avez donc préféré un sein artificiel. Quel âge aviez-vous au moment de cette épreuve ? 44 ans. Ouais, donc a priori, vous n'aviez que très peu de chance d'avoir un enfant. Et au pire, vous l'auriez allaité avec le sein restant. Alors pourquoi ce désir impérieux de refaire un deuxième sein ? Mais c'était pas seulement en tant que mère, c'est par rapport à la vision que j'ai de mon corps, et puis j'ai aussi ma vie de femme. Oui, non, mais enfin, votre vie de femme, vous pouvez très bien faire les courses et le ménage avec un seul sein. Maintenant, c'est vrai que esthétiquement, au niveau morphologique, ça peut être disgracieux. Même au niveau de la symétrie et de la répartition du poids du corps, d'ailleurs. Ah oui, d'autant que mon sein est assez volumineux. Oui. Et vous n'avez pas voulu, pour rééquilibrer, procéder à l'ablation du sein restant ? Pardon ? Et vous n'avez pas voulu, pour rééquilibrer, procéder à l'ablation. Oui, mais j'avais entendu, mais c'est absurde ce que vous dites. Vous êtes médecin ou quoi? Oui, justement, en tant que médecin, je suis choqué qu'aucun de mes confrères ne vous ait proposé cette option. Je vois mal un médecin proposer l'amputation d'un organe sain. Oui, enfin, amputation, c'est pas un bras non plus. Et puis attention, Eva, nous les nanas, on en a suffisamment brûlé des soutifs pour ne pas réduire notre corps à un assemblage d'attributs censés aiguiser le mâle dominant. Hein. Enfin, Margaret, vous détournez complètement des propos féministes, c'est n'importe quoi. Je veux continuer à ressembler à celle que j'étais avant la maladie, c'est tout. Alors c'est fou, ça, c'est dingue. Vous vous battez comme des folles pour être traitées à l'égal des hommes, et dès que vous perdez un sein, vous faites la coquette. Mais c'est loin de la coquetterie, puis c'est pas être spécialement féministe que de vouloir conserver son corps de femme. Oui, bah en tout cas, c'est très féminin de vouloir à tout prix avoir deux seins. Et les hommes qui se font poser une prothèse de testicule après un cancer? Un cancer du sein? Mais non, enfin... Oui, non mais là c'est différent, c'est pas juste esthétique, il s'agit de continuer à avoir des enfants. Avec une fausse couille. Allô? Oui. Allô? Oui. Alors qu'est-ce que je fais avec cette prothèse? Ben vous savez, dès qu'on vous propose quelque chose, vous êtes contre. Alors, forcément, on n'a plus très envie. Bah, sauf que vous êtes là pour me répondre. Hein. Allô? Allô? Vous ne me parlez plus, c'est ça? Vous faites du boudin, quoi, comme des sales mômes. C'est n'importe quoi. Oh, bah disons que j'ai cru qu'elle raccrocherait jamais. Bon, allez, on parle d'autre chose là, parce qu'elle m'a vraiment agacée. Hein. Ouais, bah, en tout cas, pour Jean-François Jonvel, l'érotisme tient dans ce sein qu'on ne saurait voir. Oui, et pour cause. Merci Yann Chouquet pour cette mise en onde. Merci Philippe. Merci Margaret. Au revoir. Au revoir. À votre écoute, coûte que coûte. À retrouver en balado-diffusion sur franceinter.fr.